Chapitre 4. La piste. Le commissaire invita du geste celle qui l'accompagna à rester dans la pièce extérieure, puis, s'adressant au magistrat, « Monsieur le juge, je viens de recevoir une visite intéressante. Celle d'une jeune fille qui, tout éplorée, est venue me dire la disparition de son père, qui, paraît-il, aurait été en relation avec M. Templier, dont, semble-t-il, elle ignore encore la mort et qui, justement, le 3 août, après avoir dit qu'il venait ici, a disparu de son domicile. Et comment s'appelle cette jeune fille ? Mélanie Salmon. Salmon. » Les deux hommes, le juge et le policier, se regardèrent. M. Charlet reprit une des lettres lues tout à l'heure et la posa sous les yeux du juge. C'était bien du nom de Salmon qu'était signée la lettre, qui contenait des injures et des menaces à l'adresse de Templier, Bill Canaille. « Cette jeune fille ne vous a rien dit de plus ?» demanda le policier. « Rien, » déclara le commissaire. Comme j'ai cru comprendre que cette déclaration se rattachait à l'affaire en cours d'instruction, je n'ai pas voulu empiéter sur vos attributions. J'ai cessé tout interrogatoire et j'ai conduit la jeune fille ici. « Faites entrer cette demoiselle, » dit le juge. Le commissaire l'appela. Elle entra aussitôt. C'était une grande jeune fille d'une vingtaine d'années, rousse, pas jolie, maigre, vêtue d'une robe défraîchie, à la jupe élimée, avec sur la tête un pauvre chapeau de paille noire. En voyant le juge et les assistants, elle eut comme un mouvement de recul. « N'ayez aucune crainte, mademoiselle, » lui dit le juge d'un ton paternel, en lui désignant un siège sur lequel elle se laissa tomber tout émue. « Monsieur le commissaire nous dit que vous cherchez monsieur votre père. En effet, depuis 3 jours, « Donnez-nous d'abord quelques détails. Comment vous appelez-vous »« Mélanie Salmon. J'ai 20 ans. »« Salmon, S-A-L-M-O-N, c'est bien cela ?»« Oui, monsieur. Que fait monsieur votre père ?»« Il est ancien ouvrier mécanicien. Mais à la suite d'un accident, il lui a été accordé une pension de 600 francs. Il est estropié et ne peut travailler de son métier. Il fait quelques réparations et je l'aide, quand l'atelier chôme. »« Vous avez votre mère ?» « Oui, ma pauvre mère, » fit la jeune fille en réprimant mal un sanglot. « Elle est paralysée. Depuis le jour, on a rapporté mon frère, sanglant, mourant de l'atelier. »« Pauvre Jean !» fit le juge, dont la pitié d'ailleurs était superficielle, tant l'intérêt de l'affaire Templier absorbait toute sa sensibilité. « Alors, mademoiselle, si je vous comprends bien, vous n'êtes pas heureux ?»« Oh, tout de même, car on s'aime bien tous les trois. Mais c'est la vie qui est dure, trop dure quelquefois. » Mais tant que nous sommes tous les trois, nous supportons tout. Aujourd'hui, le père nous manque. Oh, je vous en prie, monsieur, aidez-nous à le retrouver. Je vous dis qu'il est estropié, un pied de bois, un bras de moins, c'est effrayant. Il a dû lui arriver quelque accident, et il n'avait aucun papier sur lui. Dans quelles circonstances votre père a-t-il quitté la maison ? Voilà, nous manquions d'argent comme presque toujours. Il y a 3 jours, sur le coup de 6 heures, père s'est levé de sa chaise en disant « « Ça ne peut pas durer comme ça. On m'a trop estampé. Faudra bien que ce... un mot un peu vif, que j'aime mieux ne pas répéter, me rende ce qu'il m'a extorqué. » Maman lui a dit « Tu as raison, mais ne te laisse pas emporter. » Il faut vous dire que ce père est très bon, très doux, mais que quand il se met en colère, et ce n'est jamais qu'en face d'une injustice, il ne se connaît plus. En vérité, rien n'était plus sinistre que la déclaration de cette fille, faite de bonne foi et qui accusait formellement son père dont elle pleurait l'absence. Les magistrats eux-mêmes étaient embarrassés du rôle d'hypocrisie que les circonstances leur imposaient. « Et alors, reprit le juge après un silence, votre père est parti ?»« Oui, monsieur, pour venir ici. »« Ici ?» fit la jeune fille en regardant autour d'elle. « Mais je ne sais pas où je suis. » « Votre père n'était-il pas en relation avec un homme d'affaires, un certain Templier ? Et n'était-ce pas lui qu'il qualifiait d'une épithète que vous n'osez pas répéter ?»« Oui, oui, c'est bien cela. C'était cet homme, paraît-il, qui l'avait indignement volé, en retenant sur sa pension, que mon père lui avait engagé, une somme beaucoup plus forte que celle qui lui était réellement due. »« Ah, c'est ici ? Je savais bien à peu près l'endroit, ayant conduit papa 2 ou 3 fois jusqu'au coin de la rue Castiglione, où je l'attendais, mais j'ignorais le numéro. » Cependant, c'est chez le commissaire de police de ce quartier que vous êtes venu. Oh, je suis allé partout, à la préfecture, à la morgue, aussi chez ses anciens patrons. C'était en désespoir de cause que je suis venu ici. Mais si je voyais M. Templier, peut-être que lui-même pourrait me renseigner. Il n'y avait plus à tergiverser. Mon Dieu, mademoiselle, reprit le juge. Monsieur Templier ne pourrait malheureusement vous fournir aucune indication. Il est mort. Mort ? S'écria la jeune fille en frissonnant. Oh, le pauvre homme, comme cela, subitement. Il a été assassiné, déclara le chef de la sûreté. Quel malheur ! C'est horrible. Voyez-vous, père le détestait bien. Mais quand il apprendra cela, je suis sûr qu'il en sera tout bouleversé. À ce moment, M. Charlet lui mit sous les yeux brusquement le couteau de l'assassin. « Ce couteau n'appartient-il pas à votre père ?» Elle le regarda de ses yeux ternis. « Non, pourquoi me demandez-vous cela ?»« Pour rien, » ricana le policier. Elle-même semblait prête à défaillir. « Mademoiselle, » reprit le juge, « il sera fait le nécessaire pour retrouver votre père. Pour l'instant, retournez chez vous. Vous demeurez bien 18 rue Michel-le-Comte. Allez auprès de votre mère et tenez-vous à notre disposition, au cas où d'autres renseignements seraient nécessaires. » La pauvre fille était consternée. Elle entendait à peine ce qu'on lui disait. Il fallut que M. Charlet la fît sortir lui-même et la confia à un de ses inspecteurs avec ordre de la ramener chez elle. En même temps, il donna à l'agent des instructions confidentielles à voix basse. Le commissaire sortit à son tour. « Eh bien, dit le juge à M. Charlet, je crois que l'enquête ne sera pas longue, et ce Salmon m'a tout l'air d'être l'assassin. Comme je vous le disais, un coup de rage, de folie. » Contre l'impitoyable créancier. Et quand le malheureux a eu conscience du crime qu'il avait commis, il s'est sans doute enfui, au hasard peut-être, n'osant pas rentrer chez lui. Où le retrouvera-t-on ? Remarquez, reprit le juge, qu'aucun vol n'a été commis, même dans la sibylle qui est dans ce tiroir. Il ouvrait le tiroir caisse du bureau, qui n'était même pas fermé à clé. On semble n'avoir rien pris. Je vois 200 et quelques francs, en or et menu monnaie. L'inspecteur frappa la porte. C'était le serrurier requis. « Ah, bien !» fit le juge. « Vous êtes serrurier ?»« Oui, monsieur le magistrat. Établi, patenté, à deux pas d'ici. »